Première chronique de chasse, parce que ça s'en vient, ça va être à peu près quoi dans environ 15 jours, 3 semaines, ça dépend des zones que ça va s'ouvrir. Donc les chasseurs sont déjà en grande préparation. On en parle avec Claude Auer. Bonjour Claude. Bonjour, ça va bien? Ça va bien Claude? Oui, effectivement. Donc première chronique de chasse cette année. Les chasseurs sont déjà en préparation. Tu veux nous parler du territoire de chasse? Je sais qu'il y a des chasseurs Ben, actuellement au Lac-Saint-Jean. Oui. ouais, la première chose qu'on va parler, c'est des armes à feu. OK. Avant de parler de s'en aller dans le bois, là maintenant, il faut qu'on parle d'armes à feu. Moi, je veux savoir, puis je vais juste lancer un chiffre en l'air. Je te dirais qu'il n'y a pas 20% des chasseurs du Québec qui ont tiré une balle à venir jusqu'à date. Ouais, Il n'y a pas 20%. Premièrement, il faut aller dans des clubs de tir parce qu'on ne peut pas tirer partout. Quand les gens me disent, ah, ben moi, j'ai un territoire de chasse. Peut-être que vous avez un territoire, mais il ne faut pas aller tirer dans son territoire de chasse, de un. Les pits de gravel sont interdits un peu partout. On ne peut pas aller tirer là. Il faut s'aller dans un endroit sécuritaire pour essayer son arme à feu. Et là, les gens vont dire, ben écoute, j'ai une vieille boîte de balles. Je vais aller tirer ma vieille boîte de balles pour ajuster mon arme. Puis là, ils s'achètent une boîte de balles neuve pour s'en aller à la chasse. L'ajustement doit se faire avec les balles que vous allez tirer à la chasse. Si tu as une vieille boîte de balles, vas-y, mais ajuste pas ton arme avec, ça donnera rien parce que la nouvelle munition que tu vas mettre dedans n'aura pas la même précision que celle que tu viens d'essayer. Et ça, les gens ont de la misère à comprendre ça. Ah, il me reste 10-12 balles, mais à l'ajuster ma carabine, ils vont l'ajuster avec ça, puis quand ils arrivent à la chasse, ils manquent le shot, puis ils se demandent pourquoi. Il faut que tu ajustes avec les balles que tu vas tirer. Si tu dis, il me reste 12 balles, je vais mettre 5 balles pour ajuster mon télescope, puis je vais tirer avec les autres. Là, c'est correct. Mais si tu dis, je vais acheter une boîte de balles neuve, aller dans le bois, puis j'ai dit, je vais tirer avec mes vieilles pour m'ajuster, ça marchera pas, vous tirerez pas à la même place. Donc ça, c'est important, parce que t'as la poudre, t'as l'âge, t'as l'ancienneté de la balle, t'as plein de facteurs qui fait que c'est pas pareil. Les compagnies ont modifié leur façon de faire. Est-ce que c'est le même genre de boulet? Est-ce que tu as pris le même genre de boulet pour t'en aller à la chasse que celui-là que tu as tiré? Donc, c'est tous des facteurs qui sont très importants en début de chasse. Donc, l'arme à feu est importante. Et simplement aussi pour ceux qui vont dire, ben là, écoute, il va y avoir la petite chasse qui s'en vient, puis il va y avoir la chasse aux oiseaux migrateurs. Vous avez quand même beaucoup d'oies dans la section du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et la loi a fait un nouveau corridor migratoire et vous en avez maintenant des quantités incroyables. Avez-vous été patronné votre fusil? On appelle ça patronné. Ouais. C'est-à-dire que notre fusil de chasse, on situe à quelle place que notre gerbe de plomb sort, à quelle place que notre gerbe de plomb s'en va. Donc, les gens font pas ça non plus. Donc, on se met un carton, on sait qu'on tire à moins de 100 mètres, beaucoup moins que 100 mètres. Là, c'est habituellement, on dit qu'il faut voir les yeux d'un oie ou d'un outard pour être capable d'y tirer. Donc, est-ce qu'on sait comment notre fusil va patronner? Donc, encore une fois, on prend une boîte de balles de 12, je vais donner l'exemple du 12, et on va aller patronner dans des cartons. Et là, on va se rendre compte qu'il y a une gerbe qui est à gauche complètement, puis il y a une multitude de plombs qui sont à droite. Donc, on sait que notre fusil tire à droite, et il va falloir avancer, ce qu'on appelle en anglais « leader » l'oiseau, beaucoup plus en avant, parce que notre gerbe est plus prononcée en avant. Donc, les gens font pas ça, ils vont pas essayer leurs armes, ils savent pas comment leurs armes patronnent. Puis là, c'est encore plus vrai quand les gens prennent un 410. Une balle de 410 va tirer quelques plombs à gauche, puis une grosse gerbe à droite. Et les gens disent, ben moi, je tire rien que dans la tête. Puis là, ils s'imaginent qu'ils vont tirer dans la tête d'une perdrix, puis ils vont la manquer. Ils savent pas pourquoi. C'est parce qu'ils ont pas été essayer leur patron. Ils n'ont pas été patronnés leur fusil de chasse. Donc, l'importance des armes à feu en début de chasse, c'est ça. D'aller essayer d'ajuster nos armes avec les mêmes munitions, d'aller voir dans les fusils, parce que là, on parle d'une carabine, dans un fusil de chasse, pour voir avec la balle qu'on va utiliser, comment la balle patronne dans des cartons à une distance, je vous dirais, d'environ une centaine de pieds. OK. Donc, c'est important bon. Déjà de commencer. Très important. Puis, deuxièmement, ben c'est ainsi, ça va être la dernière visite préparatoire à notre chasse à l'orignal. Okay. Donc, la dernière. Après ça, là, il faut plus y aller. Là, c'est ainsi, c'est le temps d'aller mettre du soufre. Donc, si on a mis du soufre trop de bonheur, habituellement, notre orignal ne viendra pas. Le soufre, c'est comme si je mettais du popcorn au caramel au début, au lieu de le mettre à la fin. Tu aurais dû le mettre juste du popcorn au début, le sucrer tranquillement pendant l'été, pour qu'il s'habitue au sucre, puis finalement, à la fin, tu lui donnes une grosse dose de sucre pour qu'il reste là et qu'il s'habitue à venir. Donc, le soufre va justement être le produit que tu vas mettre à la fin de la saison ou au début de la prochaine saison, qui est ainsi. On y va, on fait attention, on se promène pas avec des quatre roues là-dedans, on va pas fumer dans notre zone, On va pas uriner dans notre zone. Si on est pour uriner, on s'apporte une bouteille avec de la farine et on urine dans cette bouteille-là avec de la farine. Donc, de un, la farine va absorber l'odeur et l'humidité, va absorber le liquide et on va ramener ça pour le jeter en milieu urbain, mais vraiment dans des poubelles, dans des endroits pour faire ça. Et il faut faire attention quand on s'en va dans notre territoire de chasse. Bien, bien, bien important comme premier conseil de pas laisser de traces, de laisser de la trace le moins possible et d'aller mettre du soufre partout sur ce qu'on a mis. Donc, si on a mis un bloc de sel sur une belle souche, ben là, il faut aller mettre du soufre partout à terre et là, l'orignal va venir creuser là-dedans pour venir manger le soufre et on y retourne plus. On n'en met plus, c'est fini. Il va rester maintenant à se garantir qu'au moment de la chasse, il va nous rester le matin de l'ouverture. On va y aller peut-être une couple de jours avant en faisant bien attention. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. On va peut-être mettre une autre petite dose de soufre. On va remettre un peu d'urine fraîche, puis on va sortir de là, puis on va être prêt pour notre première journée de chasse. OK, OK. Donc, on suit ça, évidemment. Ça vient bientôt. Déjà, là, les chasseurs doivent savoir de quoi ils parlent, autrement dit. Oui, puis de toute façon, là, il va falloir faire attention. Vous savez que depuis quelques années, il fait chaud. Ben oui. Pendant la période de chasse à l'orignal. Puis là, la semaine prochaine, on parlera justement comment prévenir la perte de viande. Qu'est-ce qu'on doit faire avec nos gibiers qui vont être abattus dans les périodes chaudes? Effectivement. Donc, Claude, on s'en parle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Claude Leroy qui nous parlait de chasse.